Chapitre 30e. Les correspondants allemands. Journal, extrait numéro 7. Cher grand-père, heureusement pour moi, les cours ont repris. J'ai retrouvé Séverin avec plaisir. Il est tout bronzé et cela lui va plutôt bien. Il a été sympa, il m'a ramené une belle écharpe en laine. Je crois qu'il était un peu amoureux de moi. Mais pas question de lui donner la moindre ouverture. La relation ne doit absolument pas évoluer. Autre chose. Nos correspondants de Lüningen arrivent la semaine prochaine. J'avais complètement oublié. Figure-toi que grand maître Madrier s'est déplacé en personne pour m'informer que ma chambre était réquisitionnée. Il en était tout navré. C'était vraiment tordant. Il fallait le voir se dandiner sur place tel un canard. Pour le principe, j'ai montré un peu d'humeur, mais franchement, je n'en ai rien à faire. Cette chambre ou une autre. Cependant, pas question de le laisser triompher si facilement. Au bout de quelques minutes, j'ai fini par consentir, du bout des lèvres, de céder ma chambre. Visiblement, l'idiot était soulagé. Je me demande ce qu'il aurait fait si je lui avais dit non. La chose aurait pu être amusante. Au lieu de cela, je me suis borné à demander qui serait ma compagne de captivité. Eh bien, si tu veux savoir, je n'ai pas été déçu du voyage. Car il n'avait pensé à rien de moins que Sabine le Pape. Tu parles d'une tuile. Le plus beau, c'est qu'il était plutôt content de son idée à la con. Visiblement, il avait vraiment réfléchi à la question. Il est vrai que la chambre de Sabine le Pape est assez grande pour deux. Mais si l'on considère nos rapports... Non, c'était vraiment trop dangereux. Il a vraiment fallu la jouer très fine. J'ai donc endossé le rôle de la fille timide et embarrassée. Le truc a fait ses preuves et, comme prévu, il est tombé dans le panneau. J'ai joué à fond la gamine à qui il faut patiemment extorquer le moindre mot. Puis, au bout de 20 bonnes minutes, mais jamais moins, sinon c'est suspect. J'ai fini par cracher honteusement le morceau. Je savais exactement par où attaquer, et je ne m'en suis pas privé. J'ai d'abord évoqué les cours de soutien qui, comme vous le savez, requièrent une certaine attention. De là, je n'ai pas hésité à prétendre que j'avais besoin de me reposer, pour achever par le fait que, malheureusement, Sabine le Pape ronfle, assez bruyamment. Tu peux te douter que j'étais fier de ce chef-d'œuvre d'hypocrisie. En plus, la chose est bien réelle, et s'il vient à Madrier la fantaisie de vérifier, il saura que je ne l'ai pas joué, sur ce terrain du moins. Ainsi, sa fierté de mâle n'en sortira pas blessée, ce qui pourrait me desservir. En attendant, je l'ai senti bien ennuyé. Aussi me suis-je permis, en jouant toujours, bien sûr, sur le même registre, de suggérer le nom de cette gourde de Tiphaine Gervelier, décidément plus indispensable que jamais. Je pourrais en profiter pour continuer à l'aider en maths. Je crois que cela donnait son petit résultat, et j'ajoutai innocemment. J'ai alors senti le madrier soulagé. C'est comme si je venais de lui ôter une épine particulièrement douloureuse du pied. Naturellement, statut de Dirlo oblige, il ne m'a pas donné immédiatement son approbation. Ma victoire aurait été un peu trop éclatante. Il a chargé cette grosse conne d'Irène Sablon de me faire part de sa décision, ce dont elle ne s'est pas privée. Elle avait alors cet air supérieur que je déteste tant et qui la rend si ridicule. Elle portait en cette occasion des oripeaux verts tout à fait remarquables. Je serai curieuse de savoir à l'occasion où elle se les procure, car je ferai mettre le feu avec joie au magasin. Ce pourrait être une action tout à fait salutaire du Club 23. Elle s'est vraiment surpassée. Elle méritait plus que jamais l'Oscar du mauvais goût. Toutefois, cette poire m'a tout de même donné une information à ne pas négliger. Le type classe du commissariat est à nouveau venu rôder. Je me demande bien ce qu'il cherche. Laissons cela pour le moment. Il me faut à présent emménager chez Tiphaine, ce qui sert à merveille mes futurs desseins. C'est tout de même gentil à Madrier de me fournir un si merveilleux alibi pour notre prochaine action. Comme j'ai déjà été assez longue aujourd'hui et que cela me fait plaisir de te faire ronger ton frein, je t'en dirai un peu plus sous peu. Le seul détail qui reste à régler est de savoir si nous profitons de la présence des correspondants de Lüningen pour agir ou non. Il est vrai que l'occasion serait idéale. Simian, Pardet et Berthelot sont prêts. Quant à Dessert, il faut voir, car il semble vraiment au bout du rouleau. Le mieux serait sans doute de ne pas le faire participer, mais je crains que l'objectif choisi soit un petit peu trop pour un seul simian. Assez pour ce soir. Tiphaine Gervelier ne savait si elle devait être heureuse ou intimidée. Elle venait d'apprendre que Thérèse Turandeau allait partager sa chambre pendant les 15 jours que durerait le séjour des correspondants de Lüningen. La chose se produisant chaque année, Tiphaine aurait dû être habituée, et pourtant, la venue de ses correspondants constituait toujours une surprise pas très agréable, car à chaque fois, elle l'oubliait sitôt les 10 correspondants partis. Elle n'étudiait pas l'allemand et ne se sentait donc pas concernée. Elle était complètement hermétique à l'événement. Seul changement notable pour elle, il y avait plus de monde à la pension et elle était privée de cette intimité qui lui était si chère. Même si partager sa chambre avec Thérèse ne serait pas désagréable, Tiphaine le vivait tout de même comme une intrusion. Malheureusement, elle ne pouvait rien dire, car elle ne comptait pas parmi les filles riches de la pension, celles à qui on ne demanderait jamais le moindre effort. En revanche, que Thérèse ait dû laisser sa chambre constituait une surprise pour Tiphaine, car elle avait toujours pensé par-devers elle que, au regard de ses résultats scolaires, elle devait être à l'abri. Il semblait bien finalement que non. Devant sa feuille lignée, Tiphaine tentait désespérément de trouver l'inspiration pour sa dissertation. En tout cas, elle mâchonnait son stylobi avec un effort si digne d'éloge que tout professeur compréhensif aurait dû lui mettre immédiatement la moyenne. Elle ne se faisait guère d'illusions. Elle allait encore écoper d'un maigre 7/20, c'est-à-dire se trouver une fois de plus en queue de classe. Tout cela parce que, comme de coutume, elle avait renoncé d'entrer. Ce qui était terrible, c'est qu'elle n'avait aucun point fort, aucune matière ne l'attirait. Comme beaucoup de pensionnaires, filles et garçons, elle attendait simplement que cela se passe. Toutefois, elle se comportait bien, c'est-à-dire qu'elle ne se faisait pas remarquer. Elle décrocherait donc sans effort le certificat de scolarité des Tournelles, ainsi que la fameuse toque verte et noire. Mais elle savait qu'il était inutile de se présenter aux épreuves du bac. Elle ne voulait pas subir l'humiliation d'Edwige Letellier l'année précédente. Celle-ci était revenue en larmes des épreuves. Aussi, quand Madrier avait affiché les listes, Tiphaine s'était abstenue de s'inscrire. À quoi bon? Elle savait très bien qu'elle n'avait pas le niveau et qu'elle ne l'atteindrait jamais. En fait, elle n'aimait vraiment que peindre et entendait s'y consacrer le plus possible dans le futur. Avec le petit héritage laissé à son nom par son grand-père paternel, il en avait fait ainsi pour chacun de ses petits-enfants. Elle pourrait vivre une existence certes modeste, mais confortable. Tiphaine savait depuis longtemps se contenter de l'essentiel, tout comme elle savait qu'un petit studio l'attendait à sa majorité, toujours un cadeau de son grand-père. Pourtant, elle n'avait jamais eu beaucoup de contact avec lui. Tout d'abord, elle l'avait très peu vu, et les souvenirs, même un peu brouillés, n'étaient pas des plus agréables. Il était froid, distant, et parlait d'une voix impérieuse, rien à voir avec son grand-père maternel, toujours bien vivant celui-ci, qu'elle adorait. Cependant, comme il s'était montré généreux, elle ne pouvait guère lui faire de reproches. Une fois en possession de son héritage, elle s'offrirait un magnifique nécessaire de peinture et elle savait déjà très bien ce qu'elle voulait. Bien sûr, elle devrait patienter quelques mois, mais ce n'était pas grave. Une fois l'année scolaire terminée, elle retournerait chez sa mère. Elle serait très heureuse de la retrouver, car elle s'était toujours bien entendue avec elle. Décidément, cette maudite dissertation n'avait pas avancé d'un mot, et le bouchon du stylo commençait à ramollir dangereusement. Dégoûtée, elle mit feuille et stylo de côté. Au moins, cette fois, les traits rouges étaient à peu près droits. Elle n'aurait donc pas droit aux commentaires habituels sur son manque de soins. C'était déjà ça de gagner. Dupreux n'était pas un mauvais bougre, il essayait de l'encourager comme il le pouvait, mais mieux valait ne pas le chercher quand il était de mauvaise humeur. Il pouvait alors se montrer blessant, et Sabine Le Pape en avait fait les frais dernièrement. Tiphaine ne souhaitait pas particulièrement faire partie de ses prochaines victimes. Elle était profondément découragée. Devait-elle une fois encore demander son aide à Thérèse? Elle avait vraiment l'impression d'abuser. Elle risquait bien d'être rejetée un moment ou un autre. Plus que jamais, elle détestait les dissertations. Monique Plantier était enfin de retour chez elle et elle en était heureuse. Ce voyage-là avait duré bien trop longtemps, elle s'était mortellement ennuyée. Certes, la Thaïlande était vraiment un pays magnifique, mais le charme supposé n'avait pas agi sur elle. Peut-être y faisait-il trop chaud. Non, elle n'était pas honnête. Rapidement, une petite voix intérieure lui avait dit de rentrer. C'est pourquoi, à partir de cet instant, elle avait rongé son frein. Elle oublierait très vite ce voyage. Elle n'avait pas vraiment sympathisé avec le groupe, même si, dans l'ensemble, les gens s'étaient plutôt bien comportés. Mais à quoi bon tisser des liens puisqu'elle ne les reverrait sans doute jamais? Seul point positif du séjour, elle s'était régalée avec l'artisanat local. À Bangkok, elle n'avait pas hésité à se faire confectionner deux tailleurs et quelques chemisiers. Bien sûr, il y avait un peu à redire, mais pour le prix. En revanche, elle avait dédaigné la contrefaçon. Elle ne s'était jamais intéressée aux marques, et le travail lui semblait être de piètre qualité. Question, sans doute, de génération. Les jeunettes du voyage, au nombre de 3 ou 4, l'avaient fait bien rire avec leur sac à main Vuitton ou Chanel, même si c'est vrai, certains étaient assez jolis. C'est donc avec plaisir qu'elle avait revu Orly. Elle avait dormi à Paris et était rentrée à Honfleur le lendemain. À son retour, elle avait trouvé le message de Pierre sur le répondeur. Elle n'avait même pas pris la peine de défaire ses bagages. Elle avait préparé un simple sac. Ensuite, elle s'était étendue 2 heures, puis, impatiente, elle avait pris la route. Elle était si excitée qu'elle avait roulé un tantinet trop vite. Elle ne savait pourquoi. Il y avait bien longtemps qu'elle ne s'était pas sentie aussi heureuse. Tout venait de la voix de son fils. C'est comme si, tout à coup, il avait retrouvé sa voix d'avant. Elle était invitée pour le week-end et Jeannot était déjà arrivé. Le pressentiment qu'il avait taraudé en Thaïlande était donc juste. Il fallait qu'elle voie Pierre, toutes affaires cessantes. Elle voulait assister à sa renaissance. Elle pensait l'avoir méritée. Et une fois sur place, elle eut la confirmation définitive que quelque chose avait changé. 2 personnes n'étaient plus dans le cadre et la maison elle-même semblait respirer à nouveau. C'était un sentiment très étrange. Chose nouvelle, Nadine n'en était pas morose. Comme la journée était très douce, tout le monde était attablé dehors. La mer était d'un bleu intense. Elle eut l'impression de redécouvrir la vue. Jeannot, sans façon, l'embrassa sur les 2 joues. Elle vit tout de suite qu'il avait déjà fait honneur à l'apéritif et, curieusement, elle n'en fut pas choquée. Elle-même se sentit gagnée par l'euphorie ambiante. Le comble était que l'on fêtait l'absence des 2 affreux. Ils étaient donc partis. Grand bien leur fasse. Puissent-ils ne jamais revenir? Cette séparation paraissait visiblement bénéfique à Pierre. Puis, soudain, la chose la fit réfléchir et elle eut la conviction qu'il savait quelque chose et elle en eut mal. Pas tant parce qu'il ne lui avait rien dit, mais elle réalisait maintenant que cela n'avait pas dû être facile tous les jours. Pierre était incapable de garder quelque chose pour lui très longtemps. C'était sa nature profonde. Il avait un besoin irrépressible de partager. Elle se rappelait encore sa joie quand il avait rencontré Nadine. Il l'avait appelée pendant 1 heure et demie. Il était si touchant. Bientôt aussi, un autre sentiment, très violent cette fois, se fit jour. Elle les détestait pleinement à présent. Elle ne voulait pas savoir ce qu'ils avaient fait. Elle se doutait bien qu'elle finirait par l'apprendre un jour ou l'autre. Elle les détestait, car ils avaient rendu honteux le meilleur des hommes. À ses yeux de mère, c'était impardonnable.